Anna était volubile, spirituelle, captivante par l'énergie qu'elle dépensait sans compter, et qu'elle paraissait récupérer, décupler dans le regard séduit de Brugge. Elle n'adressait la parole à son frère que pour se faire valoir, ignorait souverainement les regards et les interventions de Serena, et jouait si parfaitement son jeu qu'il était difficile de la trouver ridicule ou même déplacée. En fait, il était si manifeste qu'elle cherchait à séduire, que cette tentative ne revêtait plus aucune marque de faiblesse, mais au contraire une démonstration de force. Elle avait probablement visé juste, pensait Melchior, car le personnage entrevu de Brugge faisait a priori partie de ceux qui admiraient son courage avant de mépriser son audace. Il lui donnait la réplique avec une humeur légère, et son regard subissait une sorte de ternissement à chaque fois qu'il portait les yeux sur sa maîtresse, dont la présence, d'ailleurs quasi muette, semblait le rappeler un ordre, un devoir qu'il ne supportait plus. Melchior, bien entendu, se délectait du spectacle, amusé par l'effronterie de sa sœur et plus encore par son succès. Il percevait également tous les avantages que lui procurerait cette situation. Serena lui plaisait plus que jamais. Cette circonstance avilissante lui donnait une expression qui le fascinait. Il supposait qu'elle méprisait Anna et que Brugge l'exaspérait intensément sans qu'elle se permît de le montrer. De la colère orgueilleuse qui devait l'animer et qui n'était pas, de l'avis de Melchior, la colère vulgaire d'une femme jalouse mais celle d'une personne qui prend conscience de sa propre erreur, il ne transparaissait presque rien. Elle s'efforçait de donner la réplique et de temps à autre de faire rebondir la conversation d'une manière purement artificielle. Melchior savait qu'elle ne donnait là qu'une infime part d'elle-même. Il l'avait vue danser, et cette vision lui suffisait pour savoir qu'elle était une personne orgueilleuse, violente et courageuse, une personne qui se cachait ce soir sous un masque dont il admirait la neutralité. Nul n'aurait pu dire quoi que ce fût à son sujet au terme de cette soirée. Elle ne s'était montrée ni jalouse, ni aveugle, ni entreprenante, ni froide, ni triste, ni gaie. Elle ne s'était en fait pas montrée du tout, respectant comme très peu de gens les règles de prudence que Melchior s'était édictées pour elle-même. En l'observant, Melchior eût donné cher pour assister à sa métamorphose tout à l'heure lorsqu'elle serait seule avec Brugge. « Votre sœur aînée n'a pas souhaité se joindre au dîner ?» demanda Serena à Melchior pour couper court à l'insistance de son regard. « Elle n'est pas très mondaine, » dit-il en s'excusant. « Elle a préféré ne pas assister au repas. » Mais nous vous prions de ne pas vous en offusquer. Ce n'est pas contre vous. Nous avons tous nos phobies, dit-elle. Ah oui, enchaîna Anna. Je vais vous paraître scandaleusement simple, mais moi, je ne m'en connais aucune. Pas la moindre, demanda Brugge. J'ai peut-être peur de l'ennui, avoua-t-elle. Il est vrai que je n'aime guère la solitude. Brugge souriait. Tu as dit que nous avions tous des phobies, dit-elle assez sèchement à Serena. Quelle est la tienne? Comme si tu ne le savais pas, dit-elle. J'ai peur de ce qui est absurde, j'ai peur de l'absence de sens. Vous devez être au moins aussi malheureuse que ma sœur, dit Anna en riant. Il n'y a pas de sens autour de nous, c'est à chacun de le prendre en main. Il faut croire que je n'en suis pas capable, dit Serena. Et toi, Brugge, quelle est ta phobie? Moi, j'ai peur d'être prisonnier, je ne supporte pas l'autorité. Melchior eut un frisson à ces mots. Non, un frisson de compassion, car il n'éprouvait aucune sympathie pour Brugge, qui lui semblait égocentrique et cabotin, mais parce que la phrase qu'il venait de prononcer était de celle qui était interdite. « Je vous remercie de votre sincérité, » dit-il très rapidement, « mais vous me permettrez de ne répondre à la question que par une pirouette. J'ai peur de me dévoiler. » « C'est une réponse comme une autre, » conclut Serena, en le regardant pour la première fois avec une forme de curiosité. La soirée ne s'étira pas en longueur. Serena attendit une heure décente pour proposer de partir. Brugge insista pour rester, en demandant à sa maîtresse à quoi il pourrait bien occuper le reste de la nuit, et ni Melchior ni Anna ne lui firent écho pour les retenir. Leurs poignées de main, malgré la monotone tiédeur de l'air, furent froides. Sur le chemin du retour, dans le calme immobile de l'île, ils se tinrent de longues minutes au seuil de la dispute, silencieux et tendu. Elle connaissait déjà l'issue de cette soirée accablante, et étrangement, malgré toute la douleur que cela représentait, cette issue ne la faisait pas reculer. Elle désirait seulement que tout se fasse vite, sans fureur, comme on peut souhaiter mourir. Brugge, lui, attendait qu'elle parle. Il savait qu'elle finirait par le faire. Elle finissait toujours par le faire, et se gorgeait d'une exaspération croissante. Il avait l'impression de la connaître par cœur, il savait qu'elle tournerait autour de la vraie question, autour du désir qu'il éprouvait pour Anna, autour de sa propre jalousie, que son orgueil s'évertuerait à nier. Lorsqu'elle parla, au paroxysme de son attente, il éprouva presque un soulagement. « C'est enfantin, Brugge, » dit-elle d'une voix résignée. « Quoi, qu'est-ce qui est enfantin? Ton silence, ton agressivité, autant en finir au plus vite. Eh oui, Serena. Moi, je suis enfantin et toi, tu es sereine. Comme toujours, tu détiens le monopole de la sagesse, l'exclusivité de la compréhension. Comme ce doit être fatigant, mon pauvre amour, de me supporter. » Elle soupira, piquée. « Je voudrais si possible avoir une conversation sérieuse. Mais elle est sérieuse, voyons. Même si par hasard j'avais l'intention d'en rire, il y a une chose qui m'en dissuaderait tout de suite. Et cette chose, c'est la tête d'enterrement que tu es en train de faire. » « D'enterrement, oui, c'est le mot juste. » Brugg se tut un instant, surpris peut-être de ne pas avoir réussi à la faire pleurer. « Et qu'est-ce qu'on enterre? Dis-moi, en quel honneur vais-je me saouler ce soir? On enterre notre amour. » Et tu boiras par exemple la santé de Anna. « Nous y voilà, » dit-il avec un accent triomphant. « Tu es jalouse. Tu prends des airs hautains, mais la réalité est simple et crue. Tu es jalouse. Oui, en effet, je suis jalouse. Mais cela n'a plus d'importance. Cette fille n'est qu'un prétexte et je ne veux pas en parler. » « Tu ne veux pas en parler? C'est dommage. Je trouvais la comparaison intéressante. Je t'en prie, développe. Tu en meurs d'envie. » Sa légèreté est une insulte à ton insupportable gravité. Sa joie de vivre est une insulte à ton cher malheur. Serena secoua la tête d'un air excédé. Mon cher malheur, excuse-moi. J'oubliais que nous avions des tas de raisons de nous réjouir. J'oubliais que nous étions tous très heureux sur cette île paradisiaque. Dis-moi, qu'est-ce qui fait les crises de nerfs tous les matins vers 10 heures au moment de recevoir les ordres? Je faisais moins de crises avant d'être avec toi. Les larmes montèrent aux yeux de Serena. Mais elle les ignora. Je ne vois pas l'intérêt de continuer à nous disputer. Ils marchèrent à nouveau quelques minutes en silence. Il sentait sa colère descendre, s'abîmer en un sentiment plus vaste auquel il ne savait pas donner de nom. « Je suis désolé, » dit-il. « J'ai envie de cette fille, de son énergie, de son insolence. J'ai l'impression que nous ne savons plus partager que la souffrance, et j'ai envie d'être heureux. » Serena ne parlait plus et regardait compulsivement la mer. « C'est curieux, » finit-elle par dire, « ce que tu détestes en moi est cela même que tu as tant aimé. Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle pleurait, mais sa voix n'était pas altérée. « Tu es tombé amoureux de ma lucidité, et tu me quittes parce que tu ne la supportes plus. » Brugg baissa la tête. « Tu es tombé amoureuse de ma révolte, et elle se retourne contre toi. » Le paysage défilait comme au ralenti, et la vision de sa maison éveilla Serena de son hypnose. Elle se rendit compte qu'elle aurait dû dire quelque chose, mais tout ce qu'il y avait en elle était un sanglot inarticulé et terrible, et elle ne voulait pas l'exprimer. Brugg attendait une parole, une bénédiction peut-être, pour soulager sa conscience, ou une occasion de se remettre en colère. Elle le regarda très vite, comme s'il lui était impossible de soutenir son regard, et fit un geste étrange de la main, avant de se mettre à courir vers sa porte. Brugg la regarda courir et s'engouffrer dans l'obscurité de sa maison. Il y avait quelque chose qui s'effondrait silencieusement au plus profond de lui-même. Une ultime résistance que Serena n'avait jamais réussi à briser avant ce soir et qui venait de tomber. Une forme de tendresse pour elle qu'il n'avait jamais éprouvée. Il prit une profonde inspiration et se remit en marche. Malgré le doute qu'il éprouvait, il ne songea pas un instant à la rejoindre et se dirigea mécaniquement chez lui. La lumière de la chambre de son père n'étant pas éteinte, il alla toquer à sa porte. « Oui ?» Brugg eut une brève défaillance cardiaque au moment d'entrer dans la chambre. Il vit son père, tiré à 4 épingles dans son pyjama de flanelle, assis très droit dans son lit, avec son air fatigué et fragile, et une bouffée de pitié presque insupportable s'empara de lui. « Excuse-moi, papa. » Le vieil homme semblait inquiet, et regardait Brugg avec une gentillesse qui lui donnait envie de pleurer. « T'excuser pourquoi? Je t'en veux pas. » Brugg s'assit timidement au pied du lit. Il avait coutume de le faire lorsqu'il était enfant, et que sa mère occupait la place de droite de ce grand lit. Mais il ne l'avait pas fait depuis 8 ans. « Je suis si dur avec toi, » dit-il. « Je te tyrannise alors que tu as toujours été patient. Je te prends comme cible de tous mes problèmes. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'es disputé avec Serena. » Brugg se sentit minuscule, comme un tout petit garçon. « Je viens de la quitter. » Son père eut un sourire triste. « Je suppose que c'est la vie. » Brugg eut un sanglot bref et sans larmes. « Pourquoi tu ne m'ordonnes pas d'aller la retrouver? Pourquoi tu ne me dis pas que j'ai fait n'importe quoi? Pourquoi tu ne prends pas sa défense ?» Son ton devenait désespéré et agressif et le vieil homme soupira. « Parce que tu es adulte et que tu ne l'as sans doute pas quitté par hasard. Tu trouves que j'ai bien fait ?» Le père hocha la tête. « Je ne sais pas, mon fils, je ne peux pas savoir. » Brugg regardait de tous côtés comme traqué. « Tu ne me donnes jamais, jamais, ce que j'attends, » murmura-t-il. Le vieil homme chercha la main de son fils, qui s'y déroba avec colère, puis il ferma les yeux dans un geste d'impuissance et de dénégation. Brugg sortira. Quelques minutes plus tard, alors qu'il entamait l'une de ses plus terribles insomnies, il entendit le ronflement régulier de son père et lui en voulut mortellement d'avoir pu réussir à trouver le sommeil.